Chapitre 30. Elfrona. Penché sur le cou de son aciéré, Porter Engel lui murmura à l'oreille tout en calmant les muscles tremblants de la bête à l'aide de la force. « Tu es un être de lumière. Tu ne connais pas la douleur. Tu ne connais pas la fatigue. Tu ne connais pas la peur. Tu n'es que lumière et vitesse, et il n'y a rien de plus beau dans ce monde. Je suis là, avec toi. Nous allons faire de grandes choses, toi et moi. Nous allons sauver cette famille. » La lame de son sabre laser vibrait dans sa main, tandis qu'il galopait à la poursuite des salopards qui avaient arraché 4 innocents de leur foyer. Comment Loden les avait appelés déjà ? Les Nils. Porter Engel n'était pas en colère. Voilà déjà près de 3 siècles qu'il était un Jedi. Il ne savait que trop bien où menait la colère. Il avait trouvé un meilleur moyen d'exprimer ses émotions dans une situation comme celle-ci. Il n'était pas en colère. Il était sûr de lui. Sûr qu'une grande injustice avait été commise. Sûr qu'il pouvait y remédier, et surtout, il était sûr, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, que ces Nihils ne referaient jamais une chose pareille. D'une façon ou d'une autre. Il avait pris la tête du groupe, chevauchant quelques mètres devant Loden Greatstorm et Bel Zetifar. Il les aimait bien tous les deux. Loden avait le sens de l'humour, ce qui était plutôt bienvenu chez les Jedi. Porter en avait rencontré beaucoup dans l'ordre qui prenait les choses bien trop au sérieux. La vie était longue, et il bénéficiait du don de la force. Alors pourquoi se montrer si stoïque? Les vœux ne voulaient pas dire qu'on était mort. Et Bel? Bel était un jeune homme formidable. Encore en quête de lui-même, mais il n'avait que 18 ans. Porter ne devait pas bien se connaître non plus au même âge. Mais un jour, il ferait partie de ces Jedi que l'on montre comme figure d'exemple aux générations futures. Pour peu que Loden ne l'ait pas tué à l'entraînement d'ici là. Porter reporta son attention sur la tâche à accomplir. Des pentes accidentées de roches ferreuses s'élevaient de chaque côté et le chemin devant lui se rétrécissait. Les Jedi ne ralentirent pas, mais ils placèrent leurs aciérés les uns derrière les autres pour traverser le canyon en une file unique. Les Nihils et leurs prisonniers se trouvaient encore assez loin, mais les Jedi gagnaient du terrain. Ça ne serait plus long à présent. Il se remémora d'antiques batailles, repensa aux stratégies utilisées dans différentes prises d'otages. Les Nihils estimaient manifestement que cette famille avait une valeur et éviterait sans doute de les blesser autant que possible. Cela donnait à Porter et à son équipe un avantage. Toutefois, il allait falloir agir rapidement. Le mieux consistait à ce que l'un d'eux, Loden probablement, utilise la force pour libérer la famille des griffes des Nihils, tandis que Bel et lui s'occuperaient des ravisseurs. Il y avait des chances pour que ces Nihils n'aient jamais combattu de Jedi auparavant. C'était le cas de la plupart des gens, et même s'ils avaient entendu des histoires, ces simples récits ne pouvaient être comptés comme de l'expérience. Ils ignoraient donc peut-être à quel point il était idiot d'utiliser un blaster contre eux. Une décharge de blaster tirée sur un Jedi revenait quasiment à se tirer de... Un subtil parfum de danger, comme un signal d'alarme tiré soit par la force, soit par son instinct forgé par une multitude de chevauchés à travers d'étroits canyons avec des ennemis à l'horizon. Le bruit d'un tir de fusil blaster. Porter Engel leva vivement son sabre laser, prêt à dévier l'attaque, sauf qu'il n'en était pas la cible. Son aciéré se cabra, et la douleur qui submergeait son esprit comme son cœur résonna à travers Porter. Il coupa le lien qui les connectait l'un à l'autre et bondit de la selle tandis que l'animal s'effondrait, ses sabots métalliques creusant de profonds sillons dans le sol poussiéreux. Il décrivit un saut périlleux dans les airs, repoussant quelques tirs supplémentaires d'un revers de son sabre laser. Les Nihils s'étaient manifestement cachés dans les collines pour tendre une embuscade aux Jedi. Porter retomba au sol. « Bande de lâches » cracha-t-il. Une pluie de nouvelles décharges le prit pour cible, en provenance des deux côtés. Mais il connaissait désormais les angles de tir et ces derniers, associés à leur cadence, lui fournirent une information essentielle. Il n'y avait que 2 tireurs. Continuez ! Lança-t-il à Loden qui avait légèrement ralenti sa monture. Ne laissez pas les autres Nihil conduire la famille jusqu'à leur vaisseau. Je me charge de ces monstres et je vous rejoins dès que possible. Loden hocha la tête sans un mot, puis Belle et lui poursuivirent leur route au triple galop tout en déviant quelques décharges perdues. Porter Engel se retrouva seul au milieu du canyon, non loin du cadavre de sa monture, une noble bête qui voulait seulement bien faire. Vous vous croyez malin, hein? Abattre mon aciéré pour me couper l'herbe sous le pied? Silence au sommet des collines. Pas de tir, ni de mouvement. Peut-être était-il en fin de compte plus malin que ce qu'il pensait. Il devait sans aucun doute être en train de faire le tour en quête d'un meilleur emplacement pour lui tirer dessus. Peu importe. Il les attendait de pied ferme. Il cria vers un ébouli en hauteur. Avant que vous ne tuiez mon aciéré, je dois admettre que je n'avais pas encore décidé ce que j'allais faire de vous. Toutes les options étaient sur la table. Mais cette créature vivait dans la lumière et vous la lui avez volée. Vous n'en aviez pas le droit. Merci de m'avoir montré votre vraie nature. Ça me facilite les choses. Il tournait lentement sur lui-même en scrutant les collines, son sabre laser dressé devant lui. Il savait ce qui allait se passer. Quiconque préférait abattre la monture d'un homme plutôt que de s'en prendre au cavalier, quiconque tendait des embuscades était du genre à... Des tirs de blaster. Trois décharges. Dans son dos. Forcément. Porter fit volte-face, bloqua la première, la deuxième, puis renvoya la troisième décharge directement d'où elle venait. Des mouvements tout en haut parmi les rochers. Il bondit dans les airs, certainement bien plus haut que ce à quoi ses lâches de Nihil devaient s'attendre, et il repéra l'homme qui venait de lui tirer dessus. Porter projeta son sabre laser et l'arme fendit l'air sous la forme d'un disque en rotation meurtrier. Le sniper des Nihil plongea derrière un affleurement de roches ferreuses, croyant sans doute y trouver un abri. Ce ne fut pas le cas. La lame trancha la roche, puis transperça l'homme, et Porter regretta qu'une créature vivante et pourvue de raison, un enfant de la force, ait fait des choix le poussant à une telle extrémité. Le second bandit en embuscade tira sur Porter avant que le Jedi ne retouche le sol et n'ait récupéré son sabre laser. Encore dans les airs et privé de sa principale forme de protection, il se trouvait dans une situation un peu plus complexe à gérer. Mais il arrivait de temps en temps aux Jedi de perdre leur arme. Et tout chevalier digne de ce nom consacrait de nombreuses heures à développer des stratégies pour se défendre sans son sabre. Porter Engel tendit la main, paume ouverte, et, puisant dans la force, repoussa la décharge pour l'envoyer rebondir en direction des collines. Pas vraiment nécessaire. Il aurait pu se contenter de la dévier avec son esprit ou de la figer sur place. Mais chasser une décharge de blaster d'un revers de main comme s'il s'agissait d'un insecte, cela faisait son petit effet. « Je t'ai vu, mon ami !» cria-t-il en rappelant à lui son sabre laser. « J'ai vu l'endroit où tu te cachais !» La poignée alla se nicher dans sa main avec un claquement qu'il avait toujours trouvé satisfaisant, ses doigts épais trouvant aussitôt leur marque sur le cylindre métallique usé par des dizaines de milliers d'heures d'entraînement et de combat. Et je te reverrai bientôt, ajouta-t-il. Porter Engel piqua un sprint et prit la colline d'assaut, l'escaladant par bonds successifs de gauche à droite, se déplaçant probablement trop vite pour que le Nihil puisse le voir. Pas de nouvelles décharges de blaster. Quelque chose lui disait que le survivant avait fini par renoncer à son embuscade et préféré s'enfuir. Lorsqu'il atteignit le sommet du versant, il sut qu'il avait vu juste. Juché sur un autre aciéré, le Nihil essayait de faire avancer l'animal à l'aide de furieux coups de talons. Il ne criait pas sur la pauvre créature dont la tête restait baissée et les sabots ancrés dans le sol. Il ne voulait pas risquer de faire du bruit. Mais Porter était persuadé que, dans d'autres circonstances, il aurait insulté sa monture en faisant appel à toutes les injures possibles et imaginables. « Je parie que c'est toi qui as abattu ma bête !» dit Porter. Le Nihil pivota sur sa selle, son blaster fit feu, et le duel s'acheva de la seule façon envisageable. Porter était parfaitement sûr de lui. Le Nil tomba de sa monture, un trou fumant dans son masque. Porter Engel ne perdit pas plus de temps avec lui. Il désactiva son sabre laser et le rangea d'un coup sec dans son étui. Puis il s'approcha de l'acierée traumatisée, une main tendue devant lui. « Salut, petit gars. Tu es un être de lumière. Ça te dirait qu'on fasse une bonne action, toi et moi ?» La bête le dévisagea, les yeux écarquillés de peur. Le Jedi lui toucha le flanc et elle se calma. En roulant sa bride autour de ses mains, il se prépara à se hisser sur son dos. Soudain, le Nil, avec le trou dans son masque, se redressa. Il leva son blaster pour tirer, et Porter Engel réalisa que le bandit appartenait probablement à l'une de ces espèces dont le cerveau se trouvait ailleurs dans leur corps, ce qui signifiait qu'il pouvait survivre à un tir en pleine tête, et que le Jedi, dont les mains étaient occupées avec la cirée, était sur le point de mourir. Toutes ces pensées lui traversèrent l'esprit, accompagnées d'un étrange sentiment de tristesse à l'idée d'une recette de tourte qu'il n'aurait jamais l'occasion d'essayer, puis il se prépara à rejoindre la force. Une ombre noire, grise et rouge-orangée, bondit des rochers droit sur le Nil blessé. « Disons !» pensa Porter Engel abasourdi. Il avait totalement oublié l'animal. Le carbocanin entr'ouvrit la gueule et une immense giclée de flammes jaunes en jaillit, embrasant le Nil avant qu'il n'ait le temps de lever son blaster pour se défendre. Un étrange cri sourd s'éleva du masque du bandit et il se mit à rouler sur le sol pour tenter d'éteindre le feu qui consumait son corps. Tison ne s'arrêta pas là. Elle continua d'envelopper le Nil de flammes jusqu'à ce qu'il arrête de crier, puis de bouger. Alors Tison ferma la gueule et en quelques pas feutrés alla rejoindre Porter Engel qui, se baissant avec précaution, la gratta derrière l'oreille. Elle était encore chaude, un peu comme son four à l'avant-poste. Il se dit que tout cela était parfaitement logique. Elle devait les avoir suivis jusqu'ici depuis la ferme incendiée. Ses compagnons et lui avaient été si préoccupés par leur course-poursuite avec les Nil qu'ils n'avaient pas envisagé qu'ils puissent eux-mêmes être poursuivis. « C'est bien, ma belle. C'est très bien. » Porter monta en selle et se mit en route. Il redescendit le versant à un rythme soutenu, Tison l'accompagnant de ses grandes foulées souples, puis ils s'élancèrent en direction de Bell, Loden et la famille qu'ils essayaient de sauver. Loden, Greatstorm et Bell Zetifar gagnaient progressivement du terrain sur les Nihil qu'ils pourchassaient, mais ils ne les avaient pas encore tout à fait rattrapés. Désormais, les vaisseaux des ravisseurs étaient visibles, stationnés sur le sable couleur rouille, juste à l'extérieur de la zone d'exclusion aérienne. Il y en avait deux, et on aurait dit deux tas de cubes et de pics soudés ensemble, marqués l'un comme l'autre par les trois traits en dents de scie qu'ils avaient vus sur la porte des Blight. Les Nihil avaient presque atteint les appareils, leurs prisonniers toujours dans le petit chariot qui filait à leur côté. « Nous n'arriverons jamais à les rattraper à temps. » commenta Bell. Je sais, dit Loden. Il lâcha les rênes de son aciérée, mais la créature lancée au triple galop ne ralentit pas pour autant, des étincelles jaillissant à chacune de ses foulées. Bell supposa que son maître dirigeait sa monture à l'aide de ses genoux et d'une pression judicieuse de la force. D'un geste fluide, Loden fit glisser le tube métallique récupéré sur l'épave de leur vanguarde par-dessus son épaule. Il sortit son sabre laser de son étui, le plaqua contre le panneau connecté aux composants électriques du tube, et l'alimentation située à l'autre extrémité s'illumina d'une lueur dorée, identique à celle de la lame de Loden. Bell comprit ce que Loden avait pris dans leur véhicule. Le canon laser du Vanguard, son arme anti-vaisseau à verrouillage Kyber. Il retint son souffle. Il n'arrivait pas à croire ce qui était sur le point de se passer. Loden tira et une décharge de lumière jaune jaillit de l'extrémité du tube comme une lame de sabre laser, mais en plus dense, plus tangible. Les contours d'une lame de sabre s'estompaient dans une blancheur intense, mais ce faisceau s'épaississait, s'assombrissait dans une couleur ambrée, semblable aux premiers rayons d'un lever de soleil automnal. Et ce bruit, Bell l'entendait avec ses os, pas ses oreilles. Lorsque l'arme fit feu, tout autre son cessa d'exister. La sierrée de Bell se cabra et il eut toutes les peines à le maîtriser. Aussi ne put-il voir l'impact de la décharge. Il l'entendit toutefois. Un bruit totalement unique de métal soumis à une surchauffe instantanée pour finir par se vaporiser, suivi de deux bams distincts. Quand sa monture, enfin calmée, repartit en avant pour rattraper l'Oden, dont la sierrée n'avait pas bronché bien sûr, Bell vit ce que l'arme avait fait. L'un des deux vaisseaux des Nihil avait été tranché en deux et la partie centrale de l'appareil avait tout simplement disparu. Les deux sections restantes avaient basculé chacune de leur côté et des étincelles ainsi que des flammes s'élevaient des rebords surchauffés. « Ouah !» souffla Bell. D'une pression des genoux, il poussa son aciéré à accélérer et cria en direction de l'Oden. « Faites pareil avec le second vaisseau !»« Impossible !» répondit son maître. Il indiqua quelque chose devant eux avec l'arme fumante, puis s'en débarrassa en la jetant sur le côté. Le tube tomba au sol dans un fracas métallique et fut distancé en un instant. Bell regarda dans la direction indiquée par l'Oden. Il comprit immédiatement. Conscient de la menace qui planait sur le seul vaisseau qui leur restait, les Nihil s'étaient décalés de façon à ce que le chariot contenant la famille kidnappée se trouve dans leur ligne de mire. Le canon du Vanguard n'était pas une arme de précision, du moins pas quand il était désolidarisé du véhicule. Tenter de tirer aurait été trop risqué. La famille serait certainement tuée sur le coup. « C'est peut-être aussi bien !» commenta l'Oden. « Un second tir et ce truc aurait pu me péter entre les doigts. J'ai dû laisser le module de refroidissement à bord du verrou. Alors qu'est-ce qu'on fait, maître ?»« Notre possible !» répliqua-t-il. Pas rassurant. Si l'Oden Greatstorm était à court d'idées, l'heure était grave. Il se rapprochait des Nihil et la complexité de la situation commençait à entraver l'aptitude de Bell à planifier l'action suivante. Il allait devoir se fier à la force, la laisser guider ses choix. Quelque chose se produisit devant eux. Bell et l'Oden entendirent un tir de blaster et peu après quelqu'un fut projeté hors du chariot. Les Nihil poursuivirent sur leur lancée, abandonnant le corps immobile étendu sur le sol dur. « Ce n'était pas un Nihil !» nota Bell. « Il n'a pas de masque. Est-ce qu'ils ont tué l'un des otages ?» L'Oden resta silencieux. Les Jedi firent accélérer leur monture, la silhouette au sol devenant plus nette à chaque mètre. Il s'agissait de la mère. « Elle est en vie !» indiqua Bell. « Je peux encore la sentir !» Comme pour confirmer les paroles du Padawan, la femme leva un bras. Un geste empreint de douleur et de fragilité, même à cette distance. Derrière elle, les Nihil avaient presque atteint leur vaisseau. Les Jedi rejoignirent la femme, ils stoppèrent leur monture et bondirent à terre. Elle présentait une plaie fumante sur le côté. Ce n'était probablement pas mortel, en tout cas pas dans l'immédiat. « Je vous en prie, » dit-elle d'une voix faible. « Mes enfants, mon mari, je vous en prie, vous devez... » « On va s'en occuper. » répondit l'Oden avec confiance. Réel ou bien destiné à rassurer la femme, Bell l'ignorait. « Comment vous appelez-vous ? » « Erika. Erika Blight. » L'Oden tendit la main vers sa blessure. « Erika, je peux faire quelque chose pour ça. Avec la force, je peux vous stabiliser assez longtemps pour que vous puissiez retourner à notre avant-poste. Il y a de quoi vous soigner là-bas. » « Mais ma famille... » rétorqua-t-elle, sa voix s'affermissant à mesure que l'Oden faisait ce qu'il pouvait pour la soulager. « Nous allons les sauver, » lui assura-t-il à nouveau. À travers la plaine au sol induré, un bruit parvint au trio. Les moteurs du vaisseau des Nihil qui s'allumaient. « Non !» s'écria Erika Blight en essayant péniblement de se relever. Bell se demanda ce qu'elle imaginait pouvoir faire, mais le désespoir dans sa voix semblait plus intense encore que ce que la douleur devait lui infliger. L'Oden se releva vivement et dégaina son sabre laser. « Qu'y a-t-il, maître ?» Le vaisseau des Nihil s'éleva dans les airs et s'éloigna rapidement. L'Oden activa la lame de son sabre. Le vaisseau décrivit un arc de cercle, fit demi-tour et rebroussa chemin droit sur eux. Est-ce qu'ils reviennent la tuer ? Non, dit Loden. Elle servait d'appât. Ils savaient que nous nous arrêterions pour nous occuper d'elle. C'est nous qu'ils vont essayer de tuer. L'appareil des Nihils virevolta dans leur direction, hideux et brutal, les trois éclairs dessinés à la peinture réfléchissante sur sa coque, miroitant sous les rayons éblouissants du soleil d'Elfrona. « Reste derrière moi, Padawan !» ordonna Loden. « Protège Erika !»« Comment ?» se demanda Bell. « C'est un vaisseau !» Mais il se montra obéissant. En l'absence d'une meilleure idée, il se plaça entre le vaisseau des Nihils et la femme blessée, puis tendit la main vers son sabre laser. Loden changea de position pour se placer de profil par rapport au vaisseau en approche. Son genou avant était fléchi et il tenait la poignée de son sabre laser à deux mains. Il ressemblait à un mur en dur acier, indestructible. « Mais c'est un vaisseau !» songea à nouveau Bell. Les Nihils firent feu et une pluie mortelle jaillit des canons laser de l'appareil. La plupart des tirs le manquèrent. Une personne constituait une petite cible pour un vaisseau, mais quelques-uns étaient mieux ajustés. Loden Greatstorm rugit. Un cri de guerre qui résonna à travers les plaines désolées d'Elfrona. Son sabre laser fendit l'air, trop vite pour que Bell réussisse à comprendre ce qu'il faisait, et les rayons laser se dispersèrent. Les pieds de Loden dérapèrent vers l'arrière, soulevant un nuage de poussière rouille, et il grommela comme si une immense masse lui avait donné un violent coup dans l'estomac. Il tomba à genoux et la lame de son sabre laser se désactiva dans un vacillement, tandis que le vaisseau des Nihils fusait au-dessus de leur tête. « Maître !» s'écria Bell. « Je vais bien, mais je ne pense pas pouvoir le faire à nouveau. » Bell leva les yeux. L'appareil des Nihils faisait demi-tour pour effectuer un second passage. Il activa son sabre laser et la lame verte se déploya en vrombissant. Il se plaça de profil par rapport au vaisseau et fléchit son genou avant. Il se transforma en un mur que rien ne pourrait transpercer. « Ça ne marchera jamais », songea-t-il. « Si Loden a tout juste réussi à le faire, ça ne fonctionnerait peut-être pas, mais quel autre choix avait-il ? » Bell se projeta dans la force. Une pluie de laser, là-haut dans les airs. 5 tirs. Bell s'arma de courage, son regard tourné vers l'intérieur, non vers le ciel. Un nouveau bruit. Une explosion, comme une toux, étouffée. C'était... Il releva vivement la tête juste à temps pour voir deux vecteurs Jedi passer au-dessus du vaisseau des Nihils, dont l'un des moteurs laissait échapper une épaisse fumée noire. Ils décrivirent un arc de cercle extrêmement serré, une dérive de deux appareils. Et tandis qu'ils s'inclinaient, Bell vit que seul un des cockpits était réellement occupé. « Indira, » dit Loden en se remettant péniblement sur ses pieds. « Par la lumière, regarde-la. » Ébahi, Bell prit conscience de ce qu'il avait sous les yeux. Indira pilotait les deux vaisseaux. Certaines fonctions des vecteurs pouvaient être commandées à distance par le biais de la force en cas d'extrême urgence. Mais activer une fonction était une chose, et piloter l'appareil entier en était une autre. Indira répliquait les mouvements qu'elle faisait dans son propre vecteur à bord du second vaisseau, un véritable tour de force que Bell avait du mal à saisir parfaitement. C'était spectaculaire. Les Nihils semblaient plus terrifiés qu'impressionnés. Leur vaisseau se tourna vivement vers le haut et prit la direction de l'espace, accélérant lentement une traînée de fumée dans son sillage. Les deux vecteurs descendirent se poser non loin de Bell, Loden et Erika. La manœuvre ne se fit pas de la façon la plus douce qui soit, les appareils rebondissant à plusieurs reprises sur le sol avant de s'immobiliser, mais étant donné la prouesse réalisée par Indira, Bell ne se sentait pas tellement autorisée à critiquer. Les deux cockpits s'ouvrirent, et Indira apparut. « Venez » cria-t-elle. « On peut essayer de les rattraper avant qu'ils ne rejoignent la zone d'entrée en hyperespace et s'enfuient. » L'Oden se tourna vers Belle. Je t'aurais bien pris avec moi, mon apprenti. Mais il faut que tu ramènes Erika à l'avant-poste. Tu as deux aciérés. Une fois sur place, conduis-la à l'infirmerie. Et je sais ce qu'il faut faire, maître. Il n'était pas déçu. Pas vraiment. Mais il savait où son aide pouvait être la plus précieuse, et ce n'était pas en ramenant lentement mais sûrement Erika Blight à leur avant-poste. « Elle n'y survivrait pas !» s'éleva une voix. Belle et Loden se retournèrent et virent Porter Engel comme apparu de nulle part, Tison à ses côtés. Un troisième aciéré se tenait non loin et le vieux Jedi avait mis un genou à terre à côté d'Erika, sa main flottant au-dessus de sa plaie. C'est grave. Elle a besoin d'être soignée en cours de route. Je vais devoir me charger de la ramener. Je suis le meilleur infirmier de nous quatre, et de loin. Loden ne perdit pas une seconde. Les Nihils s'éloignaient un peu plus à chaque instant. Que la force soit avec toi, Porter. Belle, avec moi. Il courut en direction du Vector en attente. Le moment est venu de voler.